le midi quand il n'y a plus de place non fumeur. Le midi quand on partage l'addition. J'aime pas les gens. J'aime